La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Juno, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désirent souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. On va parler de golf, c'est la chronique Domaine Lac-Saint-Jean avec notre ami Junior Juno. Salut Junior! Salut Danny! Junior, c'était en fin de semaine, la fin de semaine dernière, c'était l'Omnium ou la classique Dolbeau Saint-Prime. J'imagine que c'est un tournoi amical qui, année après année, plaît à beaucoup de monde. Ben oui, encore cette année, là, 80 golfeurs qui ont... sont inscrits. On maintient ça depuis quand même un certain nombre d'années. Ça va bien. Ceux qui participent, ils apprécient le tournoi. Puis une journée à Saint-Prime. La première journée était à Dolbeau cette année. Ouais. Après ça, la deuxième était à Saint-Prime. Ça a permis là, de couronner deux équipes gagnantes dans la classe A. Ben, c'est l'équipe de Daniel Franca qui l'a emporté. OK. Et puis, dans la classe B, c'est celle du capitaine Jean Lamotte qui a remporté la victoire. C'était deux belles journées. Il fait beau, malgré que pour les golfeurs, c'était pas évident. Il a vanté très fort autant de beau qu'à Saint-Prime. Mais par contre, la température là était au rendez-vous. Fait que, encore une fois, cette année, c'est une belle réussite. Oui, effectivement. Il y a l'Omnium ou le gros week-end golf, une activité que ça fait 4-5 ans qui se fait au club de golf Domaine Lac-Saint-Jean qui va avoir lieu la semaine, dans deux semaines. Comment ça va jusqu'à maintenant? Là? Ben, c'est ça, comme tu le dis, là, ça doit être la cinquième année. Par contre, l'an dernier, la formule c'était pas tout à fait vraiment la même formule que par le passé. Là. L'année passée, il y avait eu comme deux journées finalement là, seulement. Mais cette année, là, vraiment, le week-end golf est de retour le 18, 19, 20 et 21 juillet prochain. Quatre grosses journées. Ça débute avec une compétition, là, ce qu'on appelle la Mafia, jeudi. Possibilité de 112 joueurs qui peuvent s'inscrire. Alors, normalement, là, on voit plusieurs joueurs qui jouent la veille, qui vont jouer le lendemain à l'Open de Saint-Prime, ouais. Au tournoi. Okay. La grosse compétition, c'est que plusieurs joueurs viennent jouer la veille. Fait que ça, cette journée-là commence avec ce tournoi-là. Par la suite, il y aura une compétition par équipe, ce qu'on appelle le Speed Golf. Nouveauté cette année, là, dans le cadre du Weekend Golf, le Speed Golf, ça va jouer sur le trou numéro 10. Okay. En équipe de 4. C'est en équipe de 4, c'est l'équipe qui va jouer le trou le plus rapidement possible. Ça va être chronométré. Ah, c'est bon l'équipe, ça? En partant, aussitôt que la balle est frappée sur le cercle de départ, au départ du 10, jusqu'à temps que la balle se termine dans le trou. Alors, ça risque d'être spectaculaire, là, puis je pense que ça va être drôle en même temps. Par la suite, là, il y aura le repêchage pour le lendemain, l'Open de Saint-Prime. Donc, les capitaines vont être présents pour choisir leurs joueurs. Et ça va se conclure cette journée-là avec un tournoi de poker au profit du programme Excellence des juniors là, au club, notre club de golf. Donc, les profits vont être redonnés entièrement. À cette catégorie de jeunes-là. Okay. Déjà là, ça va être une grosse journée en décollant jeudi. Vendredi, bon, c'est l'Open de Saint-Prime dès 9h30. On attend 176 joueurs lors de cette journée-là. Okay. Par la suite, on va avoir, suite à ça, aux alentours de sur l'heure du souper, on aura le MSOP, le tournoi de potting, avec la qualification pour aller jouer directement à Las Vegas. Oh, OK. Fait qu'une qualif, là, il y a trois qualifications au Québec, dont nous, on fait partie. ça risque d'être fort intéressant. C'est ouvert à tous. C'est pas seulement les joueurs qui vont jouer à l'Open, mais quelqu'un peut venir s'inscrire directement en venant sur nos, chez nous au club. Ça va débuter aux alentours de 17h. Ah, OK. Avec un food truck qui va être là, avec l'animation, etc., etc. Fait que ça risque d'être un milieu de fin d'après-midi assez active. Ouais. À travers de ça, on va avoir la remise des bourses et des grands gagnants pour l'Open de Saint-Brice. Okay. Et cette journée-là va se terminer avec à 22h le spectacle d'un artiste local connu là, quand même à grandeur de la province, c'est Fred Fortin. Ah, ok, ouais, c'est Fred bon. Fred Fortin qui va faire un spectacle on a organisé en haut là, la grande salle du pavillon qui va pouvoir accueillir entre 200 et 250 personnes pour le spectacle de Fred Fortin. Fait qu'encore là, c'est ouvert à toute la population. Là, pas besoin d'être golfeur. Il s'agit d'aimer Fred Fortin et de venir assister à son spectacle. Ok. Ça clôt la deuxième journée du week-end golf. Par la suite, samedi, là, c'est le tournoi des Aigles, le tournoi bénéfice au profit des Aigles de Roberval. Les Aigles sont des équipes de différentes catégories au niveau scolaire. Alors, sous la présidence d'honneur de Samuel Girard, parce que tout le monde connaît maintenant Samuel Girard. Alors ça, encore là, il devrait y avoir aux alentours de, je crois, des 144 golfeurs qui vont être présents pour le tournoi des Aigles. Et jusqu'à date, là, en tout cas, l'organisation des Aigles, ils sont très heureux de la réponse. La réponse du grand public là, pour leur tournoi. Encore là, il va y avoir des activités reliées à ça, etc., etc. Souper en soirée. Donc ça, c'est la grosse journée de samedi. Et ça va se terminer dimanche avec, premièrement, le fieldé masculin régional. On sait qu'il y a un circuit régional là, au niveau des concours, compétitions des hommes. Dimanche matin, aller jusqu'à début de l'après-midi, ça va être le concours masculin. Avec ça, c'est dans l'après-midi, ça va être le champ de pratique en folie. OK. Gratuit pour toute la population de venir frapper des balles dans le champ de pratique. De midi à 5h, il va y avoir de l'animation, il va y avoir des représentants des différentes compagnies là, qui vendent des bâtons, toutes sortes de jeux qui sont organisés aussi. Il va y avoir des cliniques, il va y avoir des démonstrations, etc., etc. Ça risque d'être très, très intéressant. Et surtout amusant pour tout le monde, pour la famille, si on veut aller chercher aussi le côté familial. Ouais. On va avoir aussi à partir de 2h, de 14h à 17h, golf gratuit pour tout le monde, c'est toute la population. Ce qui veut dire que ceux qui vont vouloir auront juste à appeler au club, prendre leur départ. C'est sûr que c'est limité dans le sens qu'il doit y avoir, si on parle de 3h, ça nous met à peu près une centaine de départs disponibles dans la journée, multiplié par, non pas une centaine de départs, une centaine de joueurs. OK. Pour pouvoir profiter de cette gratuité-là, autant on espère qu'il y aura des familles, là encore là, hot dog, etc., là, vont animer toute cette journée-là. Fait que tu vois que c'est un gros week-end avec beaucoup d'activités. Ça va bouger cette fin de semaine-là au club de golf, assurément. Tu t'attends-tu à avoir de... On invite tout le monde. On invite tout le monde à venir participer puis à venir... participer au week-end golf. Tu t'attends-tu à avoir beaucoup de participants? Tu t'attends-tu, la réponse est-tu bonne? Parce que c'est dans 2 semaines déjà, là. Ben, je te dirais que dans nos activités, là, vois-tu, autant la mafia du jeudi, vendredi, l'Open de Saint-Prime, même le poker, bon, il y a la journée porte ouverte, là, qui n'a pas encore été ouverte, celle-là, là, à la population, donc on pourrait s'inscrire 5-6 jours avant le... T'es-tu là? Oui. Non, puis le tournoi des aigles, le tournoi des aigles aussi là, qu'on attend, là, belle participation. Fait que non, dans l'ensemble, là, je te dirais qu'on a un bon espoir d'affiche complet là, pour chacune des activités. Et là, on est dans, comme on dit, là, on est à 2 semaines et demie, on est dans le dernier droit là, avant l'événement. Puis les prochaines semaines, là, les inscriptions vont continuer à les contraindre. Je suis à peu près convaincu de ça. Bon, ben Junior, on s'en reparle bientôt. Oui, on se reparle bientôt, mon cher ami. Là, la prochaine fois qu'on va se reparler, là, d'après moi, on va être très près de justement du week-end gauche. On va pouvoir te donner des détails un peu plus là, au niveau de la participation. Voilà, donc c'était la chronique du club de golf Lac-Saint-Jean avec Junior.